Lundi, on a fait le bilan du centre de ski le Domiski. Ça fait une année vraiment exceptionnelle au dire du président David Larouche. Là, maintenant, on va aller faire un tour du côté de Saint-Félicien. Comment ça s'est passé le top ski de Saint-Félicien? On parle avec la directrice générale Sylvie Quentin. Bon après-midi, Sylvie. Bon après-midi. Sylvie, à Dolbeau, on dit que ça a été une année exceptionnelle en raison de la neige. J'imagine qu'à Saint-Félicien, c'est la même affaire. Exactement, c'est du copier-coller. On ne pouvait pas demander plus belle température. On a eu de la neige en masse, malgré certaines périodes peut-être un petit peu plus froides à l'occasion, mais l'hiver au Québec, c'est l'hiver au Québec, ça faut faire avec. On peut pas chialer vraiment sur l'hiver qu'on a eu là, pour le monde du ski. Ça a été vraiment une très belle année. OK. Est-ce que ça a paru est-ce que ça a paru vraiment je veux dire du côté de la il y a eu beaucoup de neige. Est-ce que ça a paru beaucoup là, sur les cartes de main? Bien, sur les cartes de saison, je vous dirais, ce qui joue le plus, c'est la période où ce qu'on a la neige. Quand on a de la neige tard en janvier, c'est un petit peu plus difficile sur la vente de cartes de saison, tandis que comme cette année, quand on a de la neige assez tôt en décembre, bien, les gens ont plus l'impression que ça va être facile de rentabiliser l'achat d'une carte de saison. Donc ça fait quand même une différence là au niveau de l'ouverture. Plus on ouvre tôt, plus c'est bon pour les cartes de saison. Nous, cette année là, ça, on s'est maintenu là au niveau des cartes de saison par rapport à l'année dernière. On a sensiblement le même nombre. Au niveau des entrées journalières, ça a été aussi bon aussi. On avait quand même eu une très très bonne année aussi l'année passée. Donc cette année là, c'est tout est comparable. OK. Si on parlait maintenant j'imagine, ben vous, c'est pas le même problème qu'à Dolbeau. De la neige, vous avez un canot à neige, donc, mais je sais qu'à Dolbeau, il y a eu des 2 ans qui ont eu de la difficulté à ouvrir entre Noël puis le jour de l'an. Mais j'imagine quand même que les conditions étaient parfaites. Ça a dû quand même avoir des retombées, même si. Bien, c'est sûr qu'on a moins besoin de faire de la neige artificielle. On en fait quand même pas mal aussi. Ça donne un bon fond solide qui dure longtemps, tout ça. Mais par contre, on en a fait moins parce que la nature nous a un peu aidé. Donc, c'est des coûts de moins aussi au niveau des salaires, au niveau de l'électricité, tout ça, non? OK. Du côté des différents clubs, est-ce que ça a quand même bien été de ce côté-là aussi? Je veux dire, puisque vous avez un club de compétition aussi, du ski de fond, là, et ainsi de suite, est-ce que ça a bien été? Le club Avalanche, notre Ouais. club de compétition au niveau du ski alpin, a encore super bien performé cette année. Les jeunes-là sont très bien entourés. Il y a une bonne équipe de coachs autour d'eux. Puis au niveau régional, ça performe très, très, très bien. OK. Si on parlait maintenant aussi des projets, qu'est-ce qui s'en vient au Toboski de Saint-Félicien pour les prochains mois et l'an prochain? On n'a pas de gros projet en tant que tel là, de prévu tout ça. Par contre, on continue à développer chez nous le fat bike là, qui est un Ouais. sport qui est vraiment en progression là, cette année. On a eu beaucoup de cartes de saison. Ça a été un petit peu du day-to-day pour l'organisation, tout ça aussi, l'entretien des sentiers. On a fait des expériences, on a essayé des choses, tout ça. Mais c'est vraiment un sport là, qui prend beaucoup d'ampleur chez nous. OK. Vous avez eu une première édition aussi de ce qu'on appelle c'est le Holy Cross ça a fini là-dessus il y a 2 semaines à Toboski. Est-ce que ça s'est soldé par un bon succès aussi? Oui, c'était la troisième année quand même que ça Moi. avait lieu au Toboski. Oui, ça a été un très beau succès. La température encore là était de notre côté. Ce qui est génial, cette année, on a été capable d'ouvrir même le lendemain pour le ski. On a redamé ça, on a repréparé ça, puis on était capable d'ouvrir là pour le plaisir des skieurs parce que c'était une très belle fin de semaine la semaine Ben dernière. oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Dites-moi, là, j'imagine qu'on se met en mode printemps, en mode été. On va voir un peu avec les températures qui s'en viennent là pour la fin de semaine. on dit aux gens de surveiller le Facebook, là, ça fond quand même énormément. On n'aurait même pas besoin de faire l'aménagement d'un trou d'eau comme ils ont fait à Dolbeau au fin de semaine pour faire un splash. Là. Fait qu'on attend de voir un petit peu. Il y a quand même des possibilités que ce soit ouvert, mais je veux pas trop avancer de choses. Ça sera de surveiller sur le Facebook du Toboski pour la fin de semaine de Bâques. OK. Ben, Sylvie Quentin, bravo encore une fois, puis au plaisir de se reparler. Puis gênez-vous pas si c'est quelque chose. Merci beaucoup. La directrice générale du Centre de ski de Toboski, Sylvie Quentin.